Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre émission du podcast Auto. Notre dernière émission, pour l'instant, on va prendre une pause jusqu'à peut-être cet hiver ou au printemps. Si on décide de revenir, là, je vais réévaluer le podcast auto. Pas nécessairement le podcast. Le podcast, j'aime bien la manière que ça se déroule. J'aime bien mes collaborateurs et tout ça. Mais c'est un peu le reste du site qui est un peu compliqué parce que pour ce qui est essais routiers et tout ça, je fais tout seul. C'est pas mal de travail. Puis j'ai présentement à mon vrai travail qui me donne des sous. Beaucoup de travail aussi, donc j'ai pas le temps de gérer tout. Et puis, j'ai lâché mon vrai travail qui paye mon loyer, pain, beurre et tout, pour quelque chose qui me donne absolument zéro sous. C'est pas nécessairement la décision vraiment intelligente, donc faut que je mette de côté ce qui fait du sens. Donc pour l'instant, ça va être ça. Mais je dis pas. Je peux pas vous promettre qu'on va revenir, je peux pas vous promettre qu'on ne reviendra pas, mais on va vous tenir au courant là, dans les prochaines semaines ou dans le prochain mois. Là. D'ici le Salon de l'Auto de Montréal au mois de janvier, on devrait savoir si on va revenir ou pas pour une nouvelle saison ou un nouvel essai ou une prise 2, mettons. Bon, ce soir avec moi, j'ai mes trois amis. Oh oui, j'ai décidé d'appeler l'autre mon ami. Là. Je veux dire, pour une dernière émission, je ne voulais pas me pogner avec. Donc, salut Jean-Benoît. Salut. Ça va? Oui. Mieux que tantôt. Mieux que tantôt. Ou pour ceux qui écoutent l'émission en radio, mieux que la semaine passée. Voilà, parce que la semaine passée, Luc m'avait déclaré être un non-ami. C'est ça. Parce que j'avais expliqué dans la dernière émission, là, mais on va expliquer encore pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, c'est qu'on enregistre deux émissions la même soirée, 2-30 minutes pour la radio. Les gens qui l'écoutent en podcast ont les 2-30 minutes qui tombent là, sur iTunes dans la même journée. Les gens qui l'écoutent à la radio, mais on vous sert ça à petite dose en deux semaines, donc 2-30 minutes. Une 30 minutes à chaque semaine là, pour ne pas vous en donner trop d'un coup. Faut quand ouais, même pas faire une overdose de Luc. Là, non, c'est déjà là. Sinon, il faudrait faire des shows de 15 minutes. Bon. Et avec moi aussi, bon, parce qu'il n'y a pas juste Jean-Benoît, là, il parle, mais il y a aussi Martin Sagala. Salut Martin. Oui, salut. Et puis, on a Jean-François Beaulieu. Salut Jean-François. Salut. Donc, messieurs, ce soir, je veux juste passer vite là-dessus parce que j'ai pas fait vraiment un essai routier complet, mais j'ai eu. Ouais, je dirais la chance, mais bon. J'ai essayé. J'ai eu l'occasion. J'ai eu l'occasion d'essayer un Mitsubishi RVR. Ça a un look vraiment joli. Je trouve que c'est quand même un beau petit VUS. De l'extérieur, j'ai rien à dire. J'aime le look qu'ils ont donné à cette voiture-là, la calandre, le look complet de la voiture, c'est vraiment joli. Quand je l'ai vu dans le stationnement de l'aéroport, parce que je l'ai loué, j'étais en voyage d'affaires une semaine, puis j'ai eu ça comme voiture de location, puis quand je l'ai vu, j'étais tout content, je me disais, hey, c'est beau, c'est un beau petit VUS, puis j'ai pas eu l'occasion de l'essayer encore, donc je vais me payer à la traite cette semaine, et puis je me suis testé à l'intérieur, puis j'ai vu que c'était... drab, tranquille, mettons. C'est très, très tranquille. C'est plastique dur partout. Porte, tableau de bord, accoudoir, c'est vraiment plastique dur partout. Les cadrans, c'est orange, mais pas nécessairement orange joli. C'est nouveau. Ça fait vraiment comme, tu sais, fonte ou écriture des années 90 dans les ordinateurs. Là. C'est pas vraiment super joli. Donc l'intérieur c'était pas son point fort. J'ai trouvé que l'extérieur était beaucoup plus joli. L'intérieur c'est tranquille. On voit où le budget a été. Ouais, c'est ça, vers le design extérieur. L'intérieur, bon, c'est tranquille. Les sièges sont confortables. C'était du tissu correct là. Ce que j'ai aimé par exemple, c'est que le modèle que j'ai eu, c'est un 4 roues motrices. Puis on peut vraiment choisir si on le veut en 4 roues motrices. La plupart des VUS, c'est une traction intégrale. Là, donc, c'est le système informatique qui a le contrôle sur je roule en traction avant ou j'envoie de la puissance aux roues arrière pour stabiliser les choses quand on est dans la neige et tout ça. Dans le Mitsubishi, je pouvais vraiment lui dire « Je te veux en 4 roues motrices ». Bon, je n'ai pas eu de besoin. Là, il faisait pas moins 40 avec 6 pieds de neige à ce temps-ci de l'année. Là, donc, c'était pavé sec et tout ça. J'ai pas eu besoin. Mais au moins, c'était là. C'était très bien. Système de divertissement, c'était correct. Là, j'aurais pu brancher un iPod avec une prise d'écouteur et des choses comme ça. Mais j'ai rien d'extraordinaire. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est une transmission CVT. Sur le marché... il y a certaines bonnes transmissions CVT. Nissan a quand même des transmissions CVT qui ont pas mal d'allure. Je pense que la meilleure CVT est probablement dans la nouvelle Honda Accord 2013. C'est une CVT qui est vraiment bien calibrée. Celle de Mitsubishi, moi je l'ai pas aimée. J'ai trouvé que le moteur était toujours comme en train de tourner comme s'il voulait sortir du capot. Puis les accélérations, c'était zéro. Là. Je veux dire, j'avais beau appuyer, j'avais l'impression que j'allais nulle part. Mais ça, c'est des fois, c'est le mauvais côté des transmissions CVT. Parce que le moteur, c'est quand même un 4 cylindres de 2 litres qui développe 148 chevaux. Là. Fait que la puissance est là, mais on dirait que la CVT a de la misère à transmettre la puissance aux roues. Fait que c'était pas merveilleux. Puis les pneus que j'avais là-dessus, je sais pas c'était quoi. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont usés ou quelque chose comme ça. Mais j'avais vraiment l'impression, là, puis c'est un peu bête, puis là, je veux pas dire que Mitsubishi font pas des bons produits, là. Je veux pas en tout que vous pensiez ça. Mitsubishi ont certains produits qui ont beaucoup d'allure, mais j'ai juste trouvé que le bruit des pneus là-dedans était vraiment incroyable. J'avais l'impression, si je mettais pas de musique, j'avais l'impression que j'entendais juste ça. Puis j'avais l'impression que j'étais dans les pierres à feu, puis que je roulais sur des pneus en roche. Tellement que c'était bruyant à l'intérieur, là, je trouvais que ça avait presque pas de sens, tellement que les pneus étaient bruyants. C'est-tu des mauvais pneus? C'est-tu que, tu sais, c'est des voitures de location? On sait jamais ce que le monde font avec ça. Ils étaient-tu trop usés? J'ai pas pris le temps de regarder, là. Mais, bon, je m'étais promis d'aller me promener un peu, puis finalement, j'ai laissé ça de côté, puis ça m'a pas nécessairement même tenté d'aller essayer, puis d'aller me promener pas mal avec. Je trouvais que c'était ordinaire, là. C'est déjà là. Ouais, c'est ça, mais je veux dire, il est quand même joli. C'est au-dessus de 25 000 $ pour avoir un RV. Bon, un petit peu en dessous de 20 000 si vous prenez le modèle de base. Un petit peu plus que 25 000 si vous voulez avoir la traction intégrale. Si vous décidez d'acheter ça, c'est probablement le meilleur choix. C'est d'aller chercher avec une traction intégrale. Vous allez beaucoup l'apprécier en hiver. Mais bon, je l'ai pas essayé assez longtemps non plus pour commencer à l'aimer. Des fois, un auto, on l'essaye, puis au début, on n'est pas trop sûr. Puis plus on la roule, plus on s'habitue, on l'aime. Tu sais, on laisse ça. Fait que je peux pas vous dire que c'est pas bon. Mes premières impressions ont pas été bonnes. Mais si j'aurais pu l'essayer pendant une semaine complète, la rouler comme je roule tous les essais routiers que j'ai, faire 150-200 km dans une journée avec, j'aurais peut-être appris à l'apprécier. C'était pas inconfortable, mais ça m'a pas marqué comme en disant « Ah, ça sort du lot. » Tu sais, je peux pas dire que c'est un mauvais produit, mais avec ce que j'ai essayé déjà à date dans les petits VUS, il se fait mieux, là. Mais si c'est un produit qui vous attire par son look et tout ça, ben, je veux dire, allez l'essayer, puis peut-être vous allez l'aimer. Comme je vous dis, les pneus, je sais pas. C'était peut-être des pneus qui étaient usés. C'est peut-être pas des pneus qui sont neufs non plus. Ça vient peut-être d'une autre voiture dans la flotte à un moment donné. Ah, ça va là-dessus, puis on sauve l'argent quelque part, puis on met des pneus d'une autre voiture sur ça. C'est une voiture de location. On sait jamais qu'est-ce qui se passe avec ça. Qu'est-ce que les gens qui le louent, font avec. Donc, prenez ça pour comme un grain de sel. Mais moi, j'ai pas adoré. Il se fait avec une transmission manuelle. Je pense une transmission manuelle à 5 rapports. Puis ça a l'air que avec la transmission manuelle, on est capable d'avoir un peu de plaisir à le conduire. Là, probablement plus qu'avec la transmission CVT. Donc c'est ça. Mais ce qui est intéressant chez Mitsubishi, c'est leur garantie. Hein, 10 ans, 160 000 km. Puis consommation, ben là, je vais voir sur d'autres sites pour avoir les codes de consommation. J'ai pas eu le temps de les ramasser moi-même. On parle de 8,6 litres au 100 km en ville, 6,6 sur la route. Mais eux autres, ils ont observé 10,1 litres au 100 km. Là, je prends ça du guide de l'auto. Là. C'est un des sites dont la critique allait pas mal vers ce que j'ai dit. T'sais, il dit un habitacle sobre, très sobre. C'est à peu près ça que je me disais. T'sais. C'est sobre. T'sais. Mais c'est pas laid. C'est juste. Plate. C'est ça, plate. Si tu regardes, puis il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui qui fait que ton œil brille, tu sais. Mais c'est pas nécessairement un mauvais produit. Tu sais, entre 20 000 puis 29 000 $ là, dans la gamme de prix. Puis ça concurrence le Jeep Compass, le Jeep Patriot, le Nissan Juke puis le Volkswagen Tiguan. Donc, c'est ça. Prenez ça, comme je vous dis, prenez ça pour un grain de sel. Je l'ai pas essayé assez pour donner un verdict vraiment bien réfléchi. Mais à date, c'est pas un produit qui m'a impressionné. Là. Mitsubishi sont capables de faire beaucoup mieux que ça, je pense. Mais côté look, j'ai rien à dire. Il y a vraiment un look intéressant. Il est vraiment super beau de l'extérieur. Là. Pour ça, rien à dire là-dessus. Quand j'ai acheté mon Subaru Forester il y a quelques années de cela, on avait magasiné les autres multisegments, là, les autres VUS, et on avait essayé le Outlander de Mitsubishi. Une des choses qu'on avait remarquées, c'est entre autres que dans le hors-route, il était extrêmement rigide. On trouvait que c'était un véhicule qui était raide. Est-ce que tu as vécu ça aussi avec le RVR? Ouais, un petit peu dur. Mm-hmm. Mais les routes que j'ai pu prendre étaient quand même de bonne qualité. Fait que ça m'a pas trop brassé, mais je me suis aperçu que la suspension était peut-être un peu sèche. OK. L'une des grosses forces du Nouveau-Brunswick, hein, c'est les routes. Une de ses qualités. Pour ceux que j'ai pris, c'était quand même pas si pire. C'était quand même pas pire. Donc, on va y aller avec d'autres choses que le Mitsubishi RVR, parce que comme je vous dis, je ne l'ai pas assez essayé pour vous dire « Ah, vraiment, là, j'ai aimé » ou « Vraiment, j'ai pas aimé ». Mais mes premières impressions sont pas me feraient pas aller en acheter un demain matin si j'avais à me chercher un petit VUS. J'irais peut-être voir vers d'autres choses, mais si j'aurais pu l'essayer un peu plus longtemps, peut-être que ça aurait changé, là, mais c'est ça. Prenez ça, comme je dis, avec un grain de sel. Mm-hmm. On va y aller avec Jean-Benoît. Jean-Benoît, tu as été voir un film, donc on va faire une chronique cinéma. Ouais! Un film qui, mon Dieu, parle de la Formule 1 ben et oui. d'une rivalité entre deux coureurs automobiles qui étaient Niki Lauda. Puis l'autre, mon nom m'échappe. James Hunt. James Hunt. Je le savais, j'ai tellement lu sur ce film-là. J'ai même passé à deux doigts d'aller le voir quand j'étais au Nouveau-Brunswick. Finalement, j'ai laissé faire. Mais comment t'as trouvé ça? Ah, c'est un excellent film. Ben, merci beaucoup. Alors, on passe en... Peux-tu y aller? Ou ouais, pourrais, vas-y. Tu clenches avec d'autres choses? Là? Non, vas-y. Okay. C'est avec Chris Hemsworth qui est Thor oui, dans l'univers des super-héros. Et t'as pas Thor. Thor. T'as pas Thor. T'as pas Thor. Et Daniel Brühl qui campe le rôle de Niki Lauda, tandis que Chris Edwards va camper le rôle de James Hunt, un Britannique qui est fêtard, qui est complètement séducteur, c'est un playboy, tandis que Niki Lauda, lui, c'est un Autrichien. Il est solitaire, méthodique, et il est arrogant au possible. Il ne se gêne pas de dire ce qu'il pense aux gens. Si pour lui, c'est la vérité, il n'hésitera pas à lâcher les propos. Et c'est une réalisation de Ron Howard. Pourquoi je vous parle de la réalisation de Ron Howard? C'est que le gars est capable du meilleur comme du pire. Et avec Rush, dans l'univers de la Formule 1, il y en a eu plusieurs des films dans cet univers-là. Il y a eu plusieurs ratés, très peu de grands succès. Et c'est peut-être le meilleur film de Formule 1 qu'on a eu. Mais il y avait des inquiétudes avant que ça sorte. Ron Howard, c'est le gars derrière Apollo 13, derrière The Da Vinci Code, Frost Nixon, Ange et Démon, et aussi derrière Katy Perry, Part of Me. T'sais, le gars, il est capable du meilleur comme du pire. Oh, il en a fait des choses. Il a commencé comme acteur aussi. Oui, ouais, Cowboy and Aliens. T'sais, il y en a une couple qui l'a échappé. T'sais, le dilemme, ouais. Les affaires de même. Donc, on se disait, t'sais, ça peut aller autant du côté positif que du côté négatif. Mais l'histoire de base, cette guerre que se sont livrées pendant un championnat du monde de Formule 1, James Hunt et Niki Lauda, est propice à nous présenter un bon film. Ça peut faire une bonne histoire et on y est arrivé de belle façon. Le film commence tout simplement alors que les deux pilotes en question se retrouvent dans des circuits mineurs à une époque où est-ce que la Formule 1, c'était le top du top, comme c'est le cas encore, mais que les budgets pour pouvoir courir en Formule 1 étaient pas mal moins gros et quelqu'un de très fortuné pouvait se permettre de se commanditer une voiture pendant le temps d'une saison. Et c'est un peu ce que les deux pilotes ont fait. Ils se sont payés, dans le fond, une voiture en Formule 1. Question de pouvoir démontrer leur talent et que quelqu'un, après ça, les repêche. On verra pas ça en 2013, c'est sûr. Mais à l'époque, dans les années 70, c'était possible. Et les deux ont gagné leur pari, passant de la Formule 3 à la Formule 1 grâce à leurs propres sous. Qui ont emprunté ici et là, qui ont fait des promesses. Ça n'a pas toujours fonctionné, mais assez pour pouvoir avoir un volant en Formule 1 par la suite. Mais tu sais, tu dis que tu verrais plus ça aujourd'hui, mais la plupart des pilotes qui veulent courir en Formule 1 sont mieux d'avoir... Du financement, oui. Du financement, des fois, c'est pas si facile que ça. Là. C'est pas juste le talent, mettons. Non, ça c'est sûr, mais tu sais, tu pourrais pas arriver dans le meilleur circuit au monde et t'acheter une voiture... sans avoir d'écurie, tu sais, juste du jour au lendemain, tu sais, t'es un multimillionnaire, multimilliardaire, mettons, tu dis, hey, moi, j'aimerais ça faire une saison de Formule 1. Si t'es pas un vrai pilote, tu pourrais plus aujourd'hui, tu sais. Ça dépend comment chum que t'es avec Bernie. Oui, ça dépend. Mais mettons qu'à l'époque, les règles étaient un petit peu plus lousses. Ouais. Et les gars, ils ont gagné leur pari assez pour pouvoir s'affronter lors de leur début de carrière pour le championnat du monde de Formule 1. Et rapidement, Niki Lauda. Un gars extrêmement calculateur, méthodique, a été embauché par Ferrari et James Hunt, lui, de son côté, par McLaren. Et c'est une guerre à tous les niveaux qui s'est faite entre les deux pilotes parce que c'est des antipodes. C'est des personnages qui sont tellement différents l'un de l'autre que les deux, ils pouvaient pas cohabiter dans le même univers sans qu'il y ait des flamèches. Et on voit cette fameuse saison de Formule 1. C'est dans les années 70, 1976 pour être plus précis, où Niki Lauda devance tout le monde au championnat jusqu'à ce qu'il je me rappelle pas le nom du Grand Prix par exemple, mais qu'il ait un accident. C'est pas Imola? Non, c'est Nürburgring. C'est Nürburgring, ouais, c'est ça, en Allemagne. Sous la pluie, accident dans lequel il était impliqué, sa voiture part en feu, il est brûlé au troisième degré à bien des emplacements de son corps et est hospitalisé. Pendant ce temps-là, James Hunt est capable de le rattraper au championnat du monde et d'aller chercher des points. Et on voit le retour à la compétition de Niki Lauda qui est inspiré, qui est littéralement fouetté parce que James Hunt, son pire ennemi, est en train de le rattraper pendant que lui ne peut même pas se défendre. Et c'est cet affrontement-là qu'on va vivre pendant les 2h05 que dure le film. Un film que je ne vous raconterai pas la fin parce que ça serait illogique dans ce genre de chronique-là, mais on peut connaître la fin. Aussi pour ceux qui ça serait chiant, mais tu sais, on peut connaître l'histoire dans les livres, dans les livres d'histoire de la Formule 1 sur Wikipédia, peu importe, vous allez pouvoir avoir qui est fini champion. Mais l'important, c'est pas ça, parce que le dénouement, tout le monde peut le savoir avant même d'aller voir le film. Ce qui est important dans celui-ci, c'est qu'au début, tout le monde prend pour James Hunt parce qu'il est charismatique, il y a de la misère, mais tu sais, il fait des folies, puis finalement, ça débloque pas son affaire. Il y a de la misère, puis l'autre est tellement comme effronté, dit tellement des affaires méchantes aux autres. Et à la moitié du film, après l'accident de voiture que Niki Lauda est victime, brûlé, on voit son retour à la compétition, et là, on voit celui-ci comme étant le bon et James Hunt comme étant le méchant. Il y a un revirement complètement de situation. Et ça, c'est pas n'importe quel film qui est capable de faire ça. C'est pas n'importe quel réalisateur qui est capable de mettre ça en place et que ça fonctionne aussi bien. C'est un film de belles images. Si vous avez l'occasion de le voir au cinéma ou encore en Blu-ray, n'hésitez pas, c'est un film qui est magnifique. On est en mesure de recréer l'ambiance des années 70 en Formule 1, de refaire les tracés. On a fait toutes les pistes qu'on a présentées, une dizaine de circuits à travers le monde, mais sur 4 circuits en Grande-Bretagne, on a déguisé tout ça et on s'y croirait. Les images de course avec des images d'antan qui sont, dans le fond, des vraies images qui ont été incorporées dans le film avec des vrais commentaires de commentateurs de l'époque sur les courses qui ont été insérés dans le film. Tout ça fonctionne à merveille. On a l'impression d'être en 1976 en train de vivre ce championnat-là et on vit les courses là, comme si on était les pilotes. C'est saisissant. Si vous êtes un amateur de voitures, si vous écoutez le podcast auto, vous en êtes un, vous devez aller voir ce film-là. C'est pas loin d'être un chef-d'œuvre. C'est pas un film qui est parfait, mais il est excellent. Si j'y allais avec une note, j'irais avec probablement un 8/10. C'est un film qui vaut le détour si vous êtes un amateur de course. Moi, c'est drôle. J'ai lu quelques critiques sur le film justement avant d'aller le voir. Puis le monde a pas mal la même idée. C'est un bon film, c'est très bien tourné, tout ça. Mais j'ai vu quelqu'un qui a fait une critique qui a dit: c'est la première fois que j'aurais voulu voir un film en 3D. J'aurais aimé ça voir ce film-là en 3D. Je l'ai vu en 3D, pas la meilleure des 3D. Il se fait en 3D? Le gars avait l'air à dire qu'il se faisait pas en 3D. OK. En tout cas, je fais comme 2-3 semaines que j'ai vu le film. Là. Je me rappelle pas si je l'ai vu avec le 3D ou non. Mais il me semble qu'il se fait pas en 3D. Mais... C'est fort possible, ça se peut. Parce que je me mêle d'un film à l'autre. Je vais souvent au cinéma, faut que des choses qui arrivent. Mais des très belles images, c'est très bien réalisé. On sent qu'il y a un travail, puis il y a un amour de cette histoire-là, de cette saga de la part de Ron Howard. Les deux protagonistes, Chris Hemsworth et Daniel Brühl, qui font un excellent travail pour camper le rôle. Vraiment, j'ai pas un mot à dire sur ce film-là. Si ce n'est peut-être que des fois, tu dis, OK, clenche un peu, tu sais, vas-y. Saute peut-être à la prochaine scène d'action parce que on voit beaucoup de l'intérieur de la vie des pilotes en dehors de la course. OK. Ouais. Non, ça va être à voir. Je vais probablement attendre de le voir en DVD ou en Blu-ray quand ça va sortir. Dans ta salle de cinéma maison, le privé. Ouais, c'est ça. Où personne vient puis frappe en arrière le banc juste pour le fun. Ouais. Mais c'est fun, tant mieux. Ça va être un film à voir. Moi qui aime les voitures et tout ça, on va louer ça. J'imagine, Jean-François, toi qui aimes les courses de voitures, tu vas sûrement vouloir voir c'est ça aussi. C'est sûr, je veux le voir. Ça, c'est sûr. Ça va être intéressant. Je serais pas déçu. Parfait. J'espère. Merci beaucoup. Yes. Et on va y aller avec Martin. Martin qui va nous parler, il va continuer la dernière fois, il nous parlait d'un périple chez Volkswagen, mais là, il va revenir à son habitude de nous parler de compagnies de voitures décédées. Et ce soir, c'en est toute une, Martin. Oui, pour continuer dans le lien, un lien avec le cinéma, on va raconter l'histoire de DeLorean, qui est quand même intéressant. Ça a quand même été, c'est court, mais mouvementé. C'est ça, oui. Et comme son créateur. C'est relativement court, par exemple, étant donné qu'ils sont encore vendus de nos jours. Mais c'est des véhicules qui sont à moitié de production originale et à moitié fait de reproduction. Là. Il y a même un modèle électrique, je crois, qui est supposé sortir cette année. Oui, j'avais entendu parler de ça. Je ne sais pas si c'était juste mort dans l'œuf ou si ça s'en venait. Là. À un prix de 90 000 $, il y a des chances de ne pas s'en vendre beaucoup. Non, mais ça va être exclusif. Il va y avoir quelques personnes un peu plus fortunées qui vont probablement vouloir se lancer là-dedans. Oh, il y a de ça. Il y a toujours quelqu'un qui va finir par l'acheter. Mais combien, c'est une autre histoire. C'est ça. Oui. Donc, c'est ça. Ce véhicule, dans le fond, c'est un véhicule-là qui est un icône de retour vers le futur. Qui, dans le fond, la compagnie était déjà morte quand ce film-là est arrivé. Ça l'aurait peut-être aidé au départ, mais la compagnie s'est fermée, je pense, en 82. Donc, la compagnie a duré de 75 à 82. Okay. Là-dessus, il y a eu 2 années, disons, et demie de production. OK, ouais, avant, c'était du développement et tout ça. Du blabla et du développement. Ouais. Donc, ça a commencé, dans le fond, en 72, quand DeLorean était rendu vice-président de General Motors. Puis il a décidé tout bonnement, à un bon moment donné, je crois que c'est en 73, de claquer la porte. Il est parti, puis il a décidé, non, c'est pas comme ça qu'on fait ça, des chars. Donc, lui, il avait décidé ça. C'était déjà quelqu'un de très coloré au départ. Puis, il avait décidé de partir sur son lui-même, de prendre son argent personnel, d'emprunter de l'argent à gauche puis à droite, et de partir une nouvelle compagnie de véhicules. Donc, après en avoir fait designer un par... j'ai jamais réussi à prononcer le nom de Gugiaro, en coupant. Gugiaro? Hein? Oui. Gugiaro, il a fait beaucoup de modèles pour modèles similaires, je pense. Qui ressemblent. Oui, d'ailleurs, on peut tout de suite reconnaître le DeLorean dans les premières Sirocco. Ouais. Le lien est assez évident. Donc, après le design original, que tous les investissements et la production soient préparés, ils ont finalement décidé complètement de changer le concept, étant donné que ça ne fonctionnait pas, de changer le moteur de boucle, de changer de mécanique encore et encore, retard sur retard sur retard. C'était une voiture qui avait déjà été annoncée, donc les gens l'attendaient. Un peu comme la Tesla Model S a failli faire. Ouais. c'était attendu depuis plusieurs années jusqu'au moment où à la dernière minute, elle a fini par sortir. Donc, c'était un véhicule au départ qui était prévu pour produire 200 chevaux. Il s'appelait DMC-12 de la Rand Motor Company. 12 pour était supposé se vendre 12 000 $ au départ. En 79, je crois qu'elle était supposée être lancée à 12 000 $. Elle s'est finalement lancée en 81 à 25 000 $. Le double. C'est quand même appelé DMC-12 pour une raison qui est rendue complètement absurde à ce point-là. Ouais, bon, ça serait... oh, on va changer le nom pour DMC-25. Pourquoi? Parce qu'on va vous la vendre plus cher. Exactement. Donc, après tous les retards de production, ils ont décidé de confier la plateforme à Colin Chapman, qui est le fondateur de Lotus, mm-hmm. qui a complètement reconçu une suspension sport. Le véhicule était supposé de produire 200 chevaux. Finalement, il en a produit 150, ce qui, au tout début des années 80, est quand même raisonnable. Oh, mais oui. Ça, c'était la version européenne. Rendu en Amérique du Nord, la suspension avait été relevée de 2 pouces dans le devant du véhicule. On parle de 5 cm quand même. Puis par-dessus ça, il y avait les échappements avec des convertisseurs catalytiques en arrière qui étaient rendus réglementaires aux États-Unis qui ont enlevé 20 forces de moteur de plus. Donc, on était rendu avec un char qui était extrêmement pesant avec 130 forces de moteur et la suspension d'un taxi. Disons que le côté véhicule sport en a pris un coup. Il était un petit peu disparu. Oui, disons que ça s'était un peu évaporé dans la nature. Mais c'est quand même intéressant, étant donné qu'au départ, c'est un véhicule qui est en fibre de verre, malgré le fait qu'on voit tout que c'est un véhicule en stainless steel. En aluminium. Oui, c'est ça. Oui, il y en a l'air. Mais dans le fond, c'est un véhicule en fibre de verre. La raison pour laquelle, à un point, ils ont décidé de le recouvrir, un peu le même principe qu'on recouvre les frigidaires, les poêles, les électroménagers de cuisine, c'est exactement le même principe. Ça a juste été mis là pour le recouvrir, étant donné qu'eux avaient des problèmes d'adhésion de peinture sur le fibre de verre. J'ai vu des façons plus simples de régler le problème, mais bon. C'est quand même la solution qu'ils ont trouvée. Ouais, ils auraient pu décider juste de l'emballer comme un cadeau de Noël, au moins, c'est pas super. Oui, ben ça. C'est pour ça que les véhicules peints qui sont de couleur rouge ou jaune, j'en ai vu quelques-unes. Ils ont toujours été peints après la production. Ils ont toujours été vendus. Il y a 3 véhicules qui ont... Ben, 2 véhicules qui n'ont pas été vendus comme ça, qui ont été vendus plaqué or en 1980. Ils sont plaqué or d'un bout à l'autre. OK. Donc, ils ont été vendus dans le même catalogue qui a vendu des Dodge Tomahawk. OK. Il était supposé d'en produire 100. Finalement, il y en a 2 qui ont trouvé preneur. La 3e a été remontée avec les pièces de rechange qui étaient obligatoires pour pouvoir vendre les 2 premières. Ce qui a été un peu... remarque, 2 sur 3, il y en a une qui est à vendre. En ce moment, c'est celle qui a été remontée par la suite. Okay. Les 2 autres sont usées et n'ont jamais pris la route. Je pense que celle qui a le plus haut kilométrage à 600 km. On sait-tu comment ce qu'ils demandent pour la DeLorean plaqué or? 250 000 américains. Ah, et ça, c'est pas celle qui a été vendue originale. Oui, on parle d'un véhicule de 130 HP. Non. Qui a de la misère à se faire. Mais qui avait énormément de gueule, en grande partie à cause de ses porte-papillons, que la plupart des gens ont tendance à penser que ça prend très large à ouvrir, mais pour en avoir déjà essayé une, ça prend 11 pouces. Ce qui veut dire même pas un pied pour ouvrir de côté pour ouvrir la porte. Ouais, ça te prend juste un plafond assez haut. Ben, pas tant que ça. Pour être franc, ça monte pas vraiment plus haut que le toit. Un couvert, elle monte un petit peu plus haut, là, mais c'est pas... disons que le véhicule est très, très, très plat. Okay. Quand on en rencontre pour vrai, là, donc les proportions font qu'elle a l'air très haute, mais dans le fond, elle est pas vraiment plus haute qu'un véhicule normal. OK. C'est le véhicule au complet qui est très bas. C'est quand même intéressant. Non, c'est tout sauf vraiment confortable. C'est typique d'un véhicule des années 80 quand on s'assit dedans. C'est sûr que c'est un véhicule qui avait l'air très futuriste et en avance sur son temps. Même, il avait décidé de bâtir l'usine en Irlande du Nord. D'un côté, il y avait une porte pour faire rentrer les catholiques, puis d'un autre côté, pour faire rentrer les protestants, pour qu'ils puissent réussir à travailler ensemble au lieu de s'entretuer. Donc, il y avait plusieurs idées intéressantes dans le concept de cette compagnie-là. Le seul problème, c'est qu'en 1982, les ventes étaient désastreuses. Puis pour essayer de se renflouer, ça a été prouvé encore plus tard que c'est un agent du FBI qui l'a incité à embarquer dans une histoire comme ça. Mais John DeLorean a été arrêté par le FBI puis la DEA aux États-Unis pour trafic de cocaïne. OK. C'est un peu... T'essaies de renflouer tes coffres comme tu peux. Oui, mais ça a été, il a été innocenté plus tard, à la fin de l'année. Ça a été prouvé que c'est l'agent du FBI que pour se faire passer pour un investisseur, l'a comme un peu amené à s'intéresser à ce projet-là, ce qui, au fond, n'est pas légal. On peut pas inciter quelqu'un à commettre un crime, il faut attendre qu'il le fasse. Ouais, OK. Donc, il a été jugé non coupable, mais sa réputation avait déjà mangé un moyen coup et les ventes de la compagnie s'étaient déjà effondrées. La compagnie était en faillite. En 1983, la compagnie qui a racheté toutes les pièces, les plateformes existantes de la faillite, a décidé d'assembler des véhicules pour les vendre. Donc, les modèles 1983 ont été bâtis avec les pièces de rechange et les plateformes préassemblées de DeLorean, des DeLorean originales 81-82. Okay. Remarque que d'un autre côté, les années sont plus ou moins, c'est très aléatoire étant donné qu'au départ, peu flamboyant, John DeLorean avait décidé que les années modèles, c'était juste pour vendre des véhicules, donc c'était pas nécessaire, on pouvait changer n'importe quand, n'importe quoi. Donc les années, les changements ont été faits n'importe quand dans la production des véhicules, il faut y aller par les numéros de série pour le savoir. Ah, OK. Là, il y avait plusieurs idées intéressantes. Ouais, c'est ça. Ben, il y a plusieurs idées intéressantes au départ. Ça aurait été intéressant que Retour vers le futur sorte 3 ans plus tôt. Mais ben, finalement, après la faillite, le rachat en 83, il y a une compagnie qui a racheté les pièces de rechange, qui a voulu racheter les moules qui ont été retrouvées l'an passé, je crois, qui servaient d'encre pour tenir des filets dans le fond d'un bassin. Donc, il n'y avait vraiment aucune volonté de reproduire quoi que ce soit quand la compagnie a fermé. Mais pourtant, aujourd'hui, les compagnies qui fournissaient les pièces de reproduction pour reconstruire les DeLorean originales en produisent ce qu'on peut commander sur Internet flambant neuf. Il y a même 3 ou 4 concessionnaires aux États-Unis. Puis, ils demandent combien pour une DeLorean flambant neuf avec un look des années 80? Oui, avec un look et une mécanique originale des années 80. On parle d'un véhicule qui tourne de 40 à 60 000 Américains. Donc, ils sont bâtis sur commande. C'est très intéressant, par exemple, parce que sur le site Internet de DeLorean, on peut voir l'assemblage des véhicules. Donc, la chaîne de production, je la mets entre guillemets, étant donné qu'on parle d'une... C'est des plateformes déjà préassemblées. Là, on parle d'une série de lifts de garage. Là, si on veut, ça a l'air d'un énorme garage rempli de DeLorean. Okay. Ils sont à stade d'assemblage, mais on peut regarder les caméras en temps réel des travailleurs qui assemblent les DeLorean commandés. T'as-tu idée de combien en font par année? Non, j'ai pas les chiffres de production. Okay. Je suis mal installé pour les chercher. Pour non, être c'est là. Beau. Non, mais c'est juste, là, je trouvais ça intéressant. Combien de personnes peut dépenser entre 40 et 60 000 pour une DeLorean de nos jours? Mais... C'est une icône pareil, cette voiture-là. T'sais. C'est une icône. Elle a marqué. Tout le monde connaît ce véhicule-là. Écoute, de 7 à 77 ans, tout le monde connaît ce véhicule-là. Puis c'est un véhicule qui a quand même gardé son charme. La plupart des véhicules des années 80 sont complètement démodés depuis longtemps. Celle-là a gardé une certaine partie de son charme, contrairement à beaucoup d'autres véhicules. Ouais. Donc, dans un sens, oui, puis d'un autre côté, en acheter une usagée de nos jours qui a déjà beaucoup de kilométrage coûte déjà entre 25 et 30 000. Je connais quelqu'un qui en a fait restaurer une, celle que j'ai essayée il y a peut-être 2 ans. L'a fait restaurer complètement, elle avait été accidentée, ça a coûté 45 000 $ remonter le véhicule si on considère l'achat du véhicule à 16 000 $ au départ. Donc, en acheter une neuve aurait été pratiquement mieux à ce point-là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je regarde, je suis sur le site de DeLorean.com, là, qui est peut-être pas la même compagnie qui fabrique les nouvelles DeLorean. Les autres sont plus dans la restauration, nom... je pense. Oui, le nom et le logo ont été rachetés par la compagnie qui faisait les reproductions, les pièces de rechange, justement. Là. Je pense que c'est celle, c'est DeLorean Motor Company of Texas, je pense, aujourd'hui, qui les produit. OK, tu sais, parce qu'il y en a à vendre, là, 54 000, avec les numéros de série. La moins chère que je vois est 31 500 $. 33 500 1000 dessus. Des originales? Ouais, ça ressemble à ça. C'est ça, c'est des originales. Donc, dans un sens, pour en avoir une, c'est presque... tout dépend des options. Parce qu'à un certain point, là, on peut les optionner aussi en véhicule sport. On peut lui mettre la suspension originale qui n'est pas venue en Amérique du Nord avec le moteur projeté de 200 chevaux qui était supposé être dedans au départ. Okay. Donc, on peut vraiment optionner beaucoup de choses qui n'étaient pas disponibles à l'époque non plus. Ouais. Mais donc, si vous achetez ça, vous allez quand même faire tourner des têtes, mettons. Je dirais qu'en station service, je crois que ça fait tourner plus de têtes qu'une Ferrari. Ben, c'est sûr, parce que c'est encore plus rare. Là. Mais ça a un look intéressant. J'ai jamais vraiment aimé l'avant de la voiture, mais de côté, ça a une belle ligne, puis l'arrière est quand même intéressant. Il s'harmonise mieux en personne quand même. Oh, oui. Qu'en photo. En photo, ça y rend pas vraiment justice. Comme la plupart des véhicules des années 80, là, les reflets sur des carrosseries très très carrées, je trouve que ça donne pas un beau rendu en photo. Ouais. Mais c'est quand même intéressant. Fait que si vous vous en cherchez une, c'est quand même faisable d'en trouver une. Oui. Il y a même des compagnies qui produisent des boîtes de faux disrupteurs temporels pour mettre entre les deux sièges. Ah, tant qu'à acheter une DeLorean. Mais il faut juste pas mettre ses déchets dedans parce qu'ils finissent par s'accumuler, ils sont pas brûlés puis ça pue. Ouais. Ils vendent ça à Monsieur Fusion aussi? Non, mais vous allez probablement être déçus aussi, elle sonnera pas comme dans Retour vers le futur, étant donné qu'ils ont mis en post-production le son d'un V8 américain pour remplacer le son du véhicule. OK, ah, c'est quand même pas pareil. Ben, c'est ça, puis un V6, c'était pas pareil. Bon, en tout cas, c'est quand même intéressant, mais c'est ça. C'est une voiture qui a, même si elle a pas vécu tellement longtemps, à cause du film Retour vers le futur, c'est devenu une icône. Si ça serait pas arrivé, si ça aurait pas été la vedette de ce film-là, ça aurait juste probablement tombé dans l'oubli. Ça aurait été une curiosité comme une Bricklin ou des choses comme ça. C'est ça, mais après, vu que ça a été dans ce film-là, puis ça a marqué une génération, ce film-là, ben c'est ça. C'est une voiture qui va rester encore dans le futur comme une icône du monde de l'automobile. Oui. Même si ça a été un flop commercial. Non, c'était une catastrophe. Assez impressionnant. Ben, il y a eu des plans pour racheter les plateformes des Pontiac Solstice afin quand Pontiac et Saturn ont été éliminés. Oui, la Sky et la Solstice. Oui, il y a eu des plans de la compagnie qui produit les nouvelles DeLorean ainsi que celle électrique de racheter la plateforme pour produire un nouveau véhicule à partir de ça. Ce qui a aussi tombé à l'eau. Non, il y avait même des concepts qui étaient sortis. C'était quand même pas si pire ce qu'ils voulaient faire avec la Solstice puis la Sky. Là. Mais, c'était intéressant. Bon, ça se sera pas concrétisé, mettons qu'on pourrait dire. Ça a juste tombé à l'eau puis c'est terminé. Mais je pense que c'est... était beaucoup moins là aussi. Ouais, mais je pense que GM était un peu gourmand aussi dans leur demande pour vendre... les droits de la Solstice puis de la Sky, puis pourtant c'est quelque chose qui probablement ne reverra jamais le jour, là, même si c'est un des véhicules que Chevrolet devrait ramener avec leur logo à eux. Là. Je l'ai déjà dit, une Sky avec un logo de Chevrolet, ça se vendrait probablement très bien, mais puis ça ferait de la compétition pour la petite MX-5 de Mazda. Mais, régruger quelques ventes. Peut-être, même si la MX-5 ça sa réputation est faite comme étant une voiture super amusante à conduire, puis fiable quand même, puis quand même jolie, puis pas trop dispendieuse dans son modèle de base. Ben... Oh, mais c'est sur elle qu'on compare les autres. C'est ça, ouais, c'est la référence dans sa catégorie. Bon, ben merci Martin. Là-dessus, ben on va terminer ça là. Je voulais vous parler un peu. Ben, je vais vous parler un peu de la Mustang. Il commence à avoir des images. Bon, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. On en parlait avant l'enregistrement, surtout moi et Martin. Il a sorti des images qui sont supposément qui ont supposément été produites à partir des images CAD qui viendraient de chez Ford. Là, c'est quoi des images CAD pour ceux qui ne connaissent pas? Mais c'est finalement les images puis les références que les ingénieurs chez Ford se servent pour construire la voiture originale. Donc les proportions sont bonnes, les détails dans la voiture sont normalement bons, puis avec un bon engin puis quelqu'un qui a du talent, on peut prendre ces images-là puis finalement donner un look plutôt réel à la voiture avec les technologies d'aujourd'hui. Donc il y a des images qui flottent sur Internet de quelque chose qui ressemble vraiment à la voiture de production. Bon, là, il y a deux clans. Il y a un clan qui dit « c'est des fausses pistes, on essaie de nous faire à croire que ça va être ça, et pour de vrai, on traverse quelque chose de totalement différent. » Puis comme on parlait, moi et Martin, avant de commencer l'enregistrement de l'émission, c'est le modèle qu'on nous montre ressemble étrangement à une 2013-2014, là, légèrement modifié. Qui aurait fusionné avec une fusion. Ouais, c'est ça. Des phares un peu plus petits, un peu plus élancés au lieu des phares plus carrés. La calandre, bon, fusion Aston Martin, là, le nouveau look. Fusionniste. Ouais, fusionniste que Ford s'est donné. L'arrière, c'est très semblable à l'arrière d'une voiture, bon, au modèle présent. La ligne de côté ressemble beaucoup aussi. Bon, c'est un peu plus... allongé, là, l'arrière de la voiture est un peu plus allongé, ce qu'on appellerait plus un fastback qu'un modèle à valise normale, à coffre normal. Là. C'est vraiment plus élancé. Mais bon, il y a des gens qui disent que c'est pas les vrais rendus, qu'on essaie de faire de la désinformation pour nous surprendre. Il y a aussi des rumeurs que d'ici quelques semaines, il y aurait un événement où Ford inviterait des journalistes à aller voir le modèle de production ou le modèle qui est très près du modèle de production au Michigan, puis ça serait vraiment dévoilé au mois de décembre. Donc si tout ça est vrai, si vous êtes intéressé à la Mustang, regardez ça aller là, d'ici peut-être le mois de novembre, on devrait commencer à avoir des brides d'informations qui viennent directement de chez Ford. Présentement, là, c'est du oui-dire, c'est vraiment des spéculations, puis n'importe qui peut dire « Ah oui, ces designs-là, ça vient de chez Ford », puis on le sait pas, Ford dira pas « Oui, oui, ça vient d'ici », ils sont quand même sont assez intelligents pour pas confirmer si jamais par hasard c'est vraiment quelque chose qui a été... qui a sorti de chez eux sans que ça soit autorisé. Mais bon, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont accès à ces designs-là. Toutes les compagnies qui font des pièces pour Ford et ces choses-là peuvent avoir accès à certaines brides d'informations. Puis des fois, c'est pas nécessairement de chez Ford que ça vient, mais ça peut venir de chez un fournisseur aussi. Donc, on ne sait pas trop d'où ça vient. On n'a pas nécessairement beaucoup de détails. Les seules choses qui semblent vraiment constantes, c'est qu'il va y avoir un 4 cylindres turbo, il va y avoir un 6 cylindres, puis il va y avoir un 8 cylindres. Il n'y aura probablement plus de modèle GT500. Ça devrait être une GT350 qui va être le nouveau modèle. Puis il y a des rumeurs que la Boss 302, qui a existé seulement en 2012-2013, il n'y en a pas cette année, serait remplacée par une Mach 1 ou quelque chose de genre-là. Là. Mais c'est encore toutes des spéculations. Là. Mais si vous êtes intéressé par les Muscle Car, puis Camaro, Mustang, Challenger et tout ça, c'est quand même un... Des moments intéressants parce qu'on sait que Ford veut surprendre le monde avec cette voiture-là. Fait que je trouverais ça un peu bizarre que ce qu'on nous montre présentement, ça soit vraiment ce qui va arriver au début 2014. C'est vraiment pas loin. Là. Théoriquement, en avril, on devrait avoir le dévoilement final s'ils veulent aller vraiment avec les dates régulières parce que la Mustang a été dévoilée le 17 avril 1964. Puis a été vendu, je pense que ça commençait à être vendu au mois de juin. Mais, c'était des 64,5 aussi. Ouais, mais 64,5, c'est ce que le monde dit, mais c'est des 65. Là. Ils ont mis, parce que dans ces années-là. C'est le marketing. Ouais, c'est ça. C'est le marketing. Puis dans ces années-là, la plupart des voitures, les nouveaux modèles sortaient en septembre. C'était à l'automne. Puis la Mustang, ben, elle a sorti au mois d'avril. Fait que là, ça, OK, c'est une et demie. T'sais, mais c'est des Mustang 1965. Je pense pas que sur les numéros d'identification. Aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais bon, aujourd'hui, les modèles sortent à peu près n'importe quand. Il y a des constructeurs qui sortent au printemps, d'autres qui sortent à l'automne. Donc, c'est plus vraiment un standard. Mais dans ce temps-là, c'était vraiment à l'automne. C'était le temps pour magasiner des voitures. John DeLorean, c'est juste pour vendre des chars. C'est juste pour vendre des chars. Mais bon, c'est intéressant. Moi qui étais un maniaque de Mustang, j'attends vraiment d'avoir plus de détails. Si vraiment ce que j'ai vu sur Internet, ce que vous pouvez trouver aussi là, si vous cherchez un peu. Il y a un site assez intéressant, mais c'est en anglais. Là. C'est Mustang6G.com pour Mustang 6e génération.com. Il y a un gars là-dessus qui travaille, qui est vraiment bon avec bon l'imagerie 3D, puis Photoshop et tout ça. Puis lui, depuis le début, il prend des brides, des photos de spy shot, des photos prises sur le vif de l'auto qui est en train de se faire tester à quelque part. Puis là, il regarde, puis avec le camouflage, il enlève virtuellement le camouflage, puis essaie de donner la ligne à l'auto. Puis là, avec ses fichiers CAD-là, il a réussi à faire cette photo-là. Puis c'est probablement sa photo à lui qu'on voit le plus sur Internet. Là. Si c'est vraiment ça, je suis légèrement déçu. Je m'attendais vraiment à une révolution, quelque chose de totalement différent, quelque chose de vraiment... On oublie le rétro, puis on s'en va vers le futur, puis c'est ça qu'on nous poussait. Puis si je regarde, ça a plus l'air d'une évolution qu'une révolution, mais c'est quand même super beau. Mais je vais me garder une petite réserve, puis je vais attendre que ça sorte pour de vrai, pour avoir ma position finale, mettons. Parce que sinon, c'est juste encore des spéculations. Donc, fallait que je mette mon petit grain de sel de Mustang en finissant la dernière émission, parce que sinon, ça aurait juste pas été... ça aurait juste pas été correct. Ça aurait pas été un show signé Luc Desormeaux. C'est ça. Monsieur... pas Monsieur Mustang, mais regarde, j'aime ça, puis c'est tout. Il y en a que c'est... Ouais, ça, il y en a que c'est les motos, il y en a que c'est Ferrari, il y en a que c'est des BMW. Moi, c'est la Mustang qui m'intéresse depuis que je suis tout jeune, puis tout ça, puis... Au moins, toi, t'as les moyens de tes ambitions. Moi, ben, c'est ça. Si je triperais sur une Ferrari, peut-être que j'aurais moins de chances de pouvoir m'en acheter une. Quoique, il y a des Ferrari très peu dispendieuses aujourd'hui. Là, on peut trouver des vieux modèles à des prix raisonnables, en bas de 40 000 $ là, mais c'est parce qu'il faut toujours faire l'entretien là-dessus. Ça a l'air que les pièces sont chères. Ouais, les pièces et les entretiens sont très très dispendieux. Puis tu vas pas chez Midas, mettons, pour faire l'entretien sur ta Ferrari. Non. Normalement, il faut que tu ailles chez Ferrari. Ouais. Et eux t'attendent avec vraiment des gants blancs, mais aussi avec la facture qui va avec les gants blancs. Donc, on va terminer ça là-dessus. Merci beaucoup, messieurs, de votre participation. Ça a été très intéressant. J'ai bien aimé l'expérience que j'ai eue dans la chronique automobile. Comme je vous dis, je ne sais pas si ça va se continuer ou si ça va se terminer avec cette émission-là. On va voir dans les prochaines semaines à voir ce qui va se passer vraiment. Et puis on vous tiendra au courant. Juste si vous nous suivez sur Twitter, ben le podcast Auto. Le compte Twitter ou sinon le mien, @Alazormo, ou sinon vous pouvez aller aussi sur le site du podcastauto.ca, la journée qu'on prendra une décision, je vais mettre ça sur la page principale, puis on va voir ce qui va se passer avec ça. Mais messieurs, vous trois, j'aimerais vous remercier d'avoir, bon Jean-Benoît, t'étais là, t'étais pas là, tu m'as dépanné souvent au début quand mes collaborateurs n'étaient pas toujours là, tu venais boucher des trous, c'était vraiment super gentil de ta part, puis finalement à un moment donné tu t'es comme acclimaté, puis ça, à un moment donné comme t'étais ok, il va être là, puis t'étais là presque à toutes les émissions, puis là quand Martin est arrivé, ben là t'as décidé que c'était le temps que tu prennes une petite pause. J'ai cédé ma place à meilleur que moi. Mais je voulais que tu sois là pour les dernières émissions, au moins. Ça m'a fait plaisir, Luc, puis c'était une belle expérience. Parce que ça va mettre fin aussi à nos chroniques auto du mardi matin. Comme je te dis, si jamais le podcast revient, ben on verra si on ramène aussi les chroniques du mardi matin. Moi, j'aimais beaucoup ça, faire ça avec toi. On va voir si ça se poursuit. Ça allait rien que d'un sens. Mais au moins, ça c'est ça. C'est tant que ça fait plaisir à quelqu'un. C'est correct. Ouais. C'était vraiment plaisant. On a fait ça pendant plus d'un an ensemble, puis c'était toujours un rendez-vous que j'attendais avec impatience de jaser avec mon Luc préféré. Ouais, puis ça a donné naissance à Réalité Augmentée. Et oui, exact. On s'est connus en faisant des chroniques d'auto, puis après ça, on a commencé un podcast de techno. Yeah. Fait que si vraiment là, vous il n'y a jamais rien pour rien. Non, si vraiment vous voulez toujours m'entendre, ben vous pouvez écouter Réalité Augmentée, ça joue aussi à Passion FM, puis c'est disponible sur iTunes. Tu continues là-dessus là. Ben ça a l'air que tu me gardes, mais ah, okay. Je sais pas combien de temps là, mais on je peux pas envoyer le mémo, ça a de l'air. Je vais te copier dessus. Martin, merci beaucoup aussi. Tu t'es joint à nous, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais t'as été un collaborateur précieux, quelqu'un qui est. Tu faisais déjà des chroniques automobiles pour ton site. On s'est rencontrés à Détroit dans un événement de Ford. Donc, tu sais, ça veut dire que tu faisais des chroniques automobiles si tu étais là. Quand on s'est connus, tu travaillais. Tu étais sur un autre site. J'ai écrit à gauche et à droite sur plusieurs sites. Là. C'est ça. Là, tu as peut-être d'autres projets de ton côté. Moi, j'invite les gens à aller voir ton site en attendant, pointdevue.com, pointdevue, pas de E. Puis voir ce que Martin fait là-dessus. Puis si jamais il démarre un autre projet sur le monde de l'automobile, vous allez pouvoir suivre ça. Mais si je ramène, si jamais je ramène le podcast, ben c'est sûr que je vais réinviter Martin. Fait que merci Martin. C'est un plaisir. Jean-François, mon petit préféré. Mais c'est drôle parce que Jean-François, je connaissais pas Jean-François du tout avant de commencer à faire le podcast auto avec lui. Je cherchais à un moment donné des gens sur Twitter pour faire un podcast sur l'automobile. Puis c'est pas nécessairement chose facile parce que la gang qui me suit sur Twitter sont beaucoup plus techno, jeux vidéo que voiture, même si là je commence à avoir plus de gens qui aiment les voitures qu'on se jase, mais au début c'était vraiment plus techno, puis Jean-François est arrivé de nulle part, m'en a dit moi ça m'intéresserait, puis on a commencé à jaser, puis ça a été le premier avec qui j'ai commencé à faire le podcast. Bon, il y avait d'autres personnes qui avaient appliqué, mais c'était pas nécessairement adéquat. On avait commencé avec Steve que je remercie beaucoup, même s'il ne fait plus partie du projet, c'est pas parce que je l'ai kické dehors, c'est parce qu'il y a d'autres obligations, puis il y a d'autres projets aussi. Le temps lui manquait. Puis c'est là que Jean-Benoît est arrivé pour le remplacer. Puis là, c'est là que Martin est arrivé. Bon, si vous avez suivi, vous connaissez l'histoire. Et puis, donc c'est ça. Mais Jean-François, j'ai beaucoup aimé faire ça avec toi. Puis c'est sûr que si ça continue, je vais te ramener à l'intérieur du groupe pour qu'on puisse continuer encore plus longtemps. C'est good. Puis je voudrais juste te remercier de m'avoir fait découvrir le monde du podcast, parce que moi... Je connaissais à peine ça. J'ai vraiment aimé mon expérience avec vous autres. Ben c'est le fun. Je suis content que tu aies aimé ça. Je suis content aussi de t'avoir connu là-dedans. On va continuer à se jaser sur Facebook, des choses comme ça. Là. C'est sûr. J'ai trouvé ça bien intéressant. Puis ça m'a permis de te rencontrer en faisant le podcast. Fait que c'est vraiment super le fun. Je te souhaite beaucoup de succès dans tes prochains projets. Merci. Il y a rumeur d'un projet de casse-croûte, là. Que tu ouvrirais peut-être à un moment donné, là, que j'ai vu passer. Je suis trop occupé avec la fondation pour me starter quelque chose. Là. Je pourrais travailler 24 heures sur 24 avec eux autres. Là. Ah, c'est au moins ça tient occupé. Ouais. Je dirais comme ça, t'es sûr que tu chercheras pas. Ouais, c'est ça. Si tu manques pas d'ouvrage, ils vont normalement te garder. On mangera pas les patates à GF. C'est bien décevant, ça. Je sais bien, que veux-tu? C'est la fondation me veut trop, fait que je suis obligé de travailler pour eux. Ah, voilà. Quand t'es désiré, c'est toujours le fun. Oui. Donc, j'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter toutes les semaines ou au moins une fois de temps en temps. C'est vraiment très apprécié. Le podcast auto, c'est un peu mon bébé. Ça fait depuis que j'ai commencé à faire du podcast, depuis environ 3 ans, que je voulais partir quelque chose sur l'automobile. Parce que j'ai toujours aimé l'automobile depuis que je suis tout petit. Acheter les guides de l'auto, je me rappelle couché sur le ventre dans ma salle de jeu à tourner les pages, puis à regarder les voitures, puis à quelle voiture je vais m'acheter en premier. Tu sais, t'as toujours des espérances quand t'es jeune que tu vas pouvoir en avoir 3-4 dans ton entrée. Et puis, tu as peine et de misère à t'en payer une, là. Mais je me rappelle, ma première amour, ça a été la Honda Civic CRX. J'en voulais tellement une. Puis mon père m'a dit non. Que je me suis ramassé avec une Civic hatchback. J'ai dit, tu sais que c'est la même voiture, hein? C'est le même moteur et tout. C'est juste qu'il y en a une qui est 2 places, puis il y en a une qui est 5 places. Mais bon, je me suis ramassé avec une Civic à la place. Mais ça fait bien, bien longtemps que je suis ça. J'ai toujours voulu être chroniqueur automobile ou faire ça, tu sais, sans avoir suivi de cours de journalisme et tout ça. Mais ça m'a donné l'expérience. J'ai beaucoup aimé ça. Si ça se termine là, j'ai aucun regret. J'ai fait ce que j'ai aimé pendant un an de temps, puis ça a été super plaisant. Mais bon, c'est pas rémunéré. Le travail puis la vie familiale demandent aussi beaucoup. Puis c'est quand même des priorités, là. Ça, c'était pour le plaisir, même si j'aimais beaucoup faire ça. À un moment donné, il faut... Faut mettre nos priorités à bonne place, mais je vous dis pas que ça reviendra jamais. On va voir si les portes s'ouvrent encore une fois un petit peu plus tard. Donc, messieurs, merci aux auditeurs, merci beaucoup. Puis là-dessus, ben, je vous dis au revoir, puis ben, peut-être à la prochaine. Bye. Bye bye. Salut.